Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Musner, l'émission mensuelle où l'on se retrouve pour parler de cinéma entre passionnés. Vous écoutez en ce moment l'épisode 32, enregistré le 10 juin 2017. Je suis Axel, un des autres qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais je ne suis pas seul puisque j'ai mes co-hôtes avec moi. Donc on va commencer avec Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Nickel. Et on a aussi un retour dans le podcast Musner du coup, puisqu'on l'a eu il y a quelques semaines dans le Parlons Cinéma, mais là il revient pour Movies Nerd, c'est Morgan, salut. Il revient dans Movies Nerd, mais enfin voilà, il revient dans Movies Nerd en général. Je serai là dans tous les podcasts avec des exceptions à prévoir, mais je serai là, je reviendrai, Je suis revenu, ça y est. Mais bonjour, bonjour. Oui, ça va. Ça va bien, ça va. Super. La forme, la pêche. Oui, donc. Du coup, je préférais le prévenir, puisqu'il y a certaines personnes qui n'écoutent peut-être que le podcast Movies Nerd ou que le podcast Parlons Cinéma, donc voilà. Comme ça, tout le monde sait que t'es revenu. donc voilà, on est prêt pour une bonne émission, on va parler des films qu'on a vus pour mai. C'est bien, c'est que t'as même pas dit on est content de ton retour, mais vas-y, enchaîne. Mais je l'ai déjà dit dans Parlons Cinéma, mais oui, c'est vrai, on est content de ton retour. c'est vraiment super, oui, oui. Même si... Adrien, t'as bien remplacé. Non. tu sais, la tag team, tu sais, vous faites un check à chaque fois qu'un part et que l'autre revient. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, c'est passe-partout. Moi, je suis passe-temps. On se relaie, quoi. Ouais, je sais pas si la comparaison est bien, mais on va dire que vous avez saisi l'idée. Voilà. On va dire que ça fonctionne. Voilà. Donc. On va d'abord, je vais d'abord faire le sommaire avant qu'on commence le programme. Ça vous avait manqué. Il y a bien qu'à vous. Hein. Ouais. Le sommaire. On va faire un petit récapitulatif du palmarès du Festival de Cannes. C'est Morgane qui l'a proposé, donc c'est Morgane qui va en parler. Enfin non, on rajoutera quelques trucs, mais bon, on n'aura pas grand-chose à dire non plus. Ensuite on parlera, on ira sur la Selec, on parlera des Pirates des Caraïbes 5, Alien Covenant et La Mans Double. Et ensuite le film du mois, donc on parlera de Get Out. Et finalement on finira par La Minute Nerd, et cette fois-ci c'est Morgan qui la fera. On sait pas encore de quoi il va parler, il me semble que c'est une série télé si je me trompe pas. Une série télé, tout à fait. Voilà. On aura la surprise en même temps que vous quand ce sera le moment de La Minute Nerd. Et oui, tu voulais dire quelque chose, Eddy? Ah non, pardon, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose, pardon. Ah non, non, non. Voilà, on va commencer avec le récapitulatif du palmarès du Festival de Cannes. On va pas faire de jingle parce que j'ai pas envie de créer un jingle juste pour ça. La Palme d'Or, du coup, a été obtenue par The Square de Ruben Östlund, donc de Suède, du coup. Voilà. Morgane, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou... Bah moi elle m'a étonné, la Palme d'Or, parce que j'étais persuadé que ça allait être le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui lui a eu le grand prix. C'est vrai que voilà, tous les regards s'étaient posés sur ce film là et ça a fait beaucoup de bruit. En plus ça parlait d'un sujet important, hein. Ça parle d'act up, etc. Donc ça, le film avait fait l'unanimité. J'étais persuadé qu'il allait avoir la Palme d'Or, mais il a eu le grand prix. En revanche je suis très content, même si j'ai pas vu le film, pour Diane Kruger. Ouais. Même si on sait tous que son frère a mal terminé, hein. Freddy, si tu nous écoutes, mais Diane, une actrice que j'adore, et voilà, d'après les critiques que j'ai lues, c'est vraiment le rôle de sa vie, et ça me fait plaisir qu'on la prime parce que c'est quand même une actrice magnifique. Je suis peut-être un peu moins fan du prix d'interprétation masculine. Je n'aime pas j'aime pas vraiment cet acteur. Je suis désolé, mais Joaquin Phoenix, j'ai un vrai problème avec lui, mais c'est très bien pour lui. Voilà, je suis content. Ça nous a donné au moins un moment exceptionnel. Oui, voilà, le ouais. Il se rend pas compte. Qui a gagné 15 secondes après, il est là. Ouais, c'était énorme. sur le prix de la mise en scène, je suis un peu sceptique. Sofia Coppola, bon, qui n'était pas là, hein, elle n'est pas venue chercher son prix. Bon, je pense qu'elle a regardé sa filmographie, donc elle s'est endormie. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Non, je suis pas fan de Sofia Coppola, à part Virgin Suicide, j'avoue, le reste, voilà. Mais bon, je suis curieux quand même, parce que Les Proies, c'est un remake, hein, du film. On n'a pas tous bon goût, hein, Morgane. T'inquiète, hein, oui. on m'attaque. Non, mais j'aime Virgin Suicide, mais je trouve que Lost in Translation, c'est chiant. Voilà. Pardon, je trouve ça chiant. Mais non, c'est beau. Oui, mais le problème, c'est que le problème de Sofia Coppola, c'est qu'elle filme des gens qui s'ennuient, mais elle veut qu'on s'emmerde avec eux. C'est normal, mais... son cinéma, elle, c'est ça, c'est l'ennui. Bah ouais, mais elle peut filmer l'ennui. C'est son thème de prédilection. Ouais, bah ça se voit. Mais du coup, bon, sur Les Proies, comme c'est un remake du film de Don Siegel que j'ai pas encore vu mais que j'ai envie de voir, je suis quand même curieux. Pourquoi le prix de la mise en scène? Donc c'est peut-être que le film a quelque chose. Après le prix du scénario, je ne sais plus. Non, mais je sais qu'il y a eu un ex-aequo. Oui, je crois que c'est You Were Never Really Here, le film de Lynn Ramsey, ex-aequo avec le film de Yorgos Lanthimos là pour Mise à mort du cerf sacré. Mise à mort du cerf sacré. Yes. Voilà. Mais ça, je suis tellement impatient de le voir. L'affiche est très belle d'ailleurs. L'affiche est magnifique. The Lobster, c'était tellement chiant. Hein. On n'a pas tous bon goût. Vrai. Non, je l'ai pas vu, mais bon, je l'ai pas vu. Oh non, The Lobster, c'était trop. C'est con. Moi, j'ai pas aimé du tout. Et ensuite, bref, un prix spécial pour les 70 ans du festival pour Nicole Kidman, pour l'ensemble de son œuvre. J'avoue, alors j'adore cette actrice, hein, Eyes Wide Shut, tout ça, grandiose, mais quitte à faire un prix, ouais, les autres surtout, ma sorcière bien aimée. je déconne. Quitte à faire une récompense, j'aurais préféré qu'on fasse une récompense pour David Lynch, parce que c'était un peu vers lui que tous les regards étaient posés. Twin Peaks, c'était le comeback. J'aurais trouvé ça énorme, quoi. Finalement, David Lynch n'a rien eu. Mais surtout s'il arrête sa carrière. Ouais, voilà. C'est voilà, voilà. Non, apparemment, il paraît qu'il referait. Enfin, il se désiste. Enfin, je sais pas. Apparemment, c'est pas totalement sûr. Bon, du coup, rien pour le film de Bong Joon-ho, hein, Netflix. Hein, finalement, n'a rien eu. Ouais. Bon. Mais palmarès varié, j'ai envie de dire. Avec des films. Il sort quand, Okja, déjà? Il sort dans 15 jours, je crois. Ouais, en juin. Ouais, 15 jours, ouais. Ouais, je crois le 24 juin. Ouais, ça laisse le temps aux gens de regarder Orange is the New Black. Et puis, c'est ça. J'ai vu que t'as commencé d'ailleurs ce matin. Oui. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, c'est très bien. Et du coup, moi, personnellement, je suis très curieux de voir 120 maintenant par minute. Parce que le sujet, parce que. Voilà, je trouve que les films français à Cannes ont toujours quelque chose. C'est vrai, je trouve qu'on choisit bien nos films français. Je suis peut-être un peu déçu pour L'Amant double, dont je vais parler après, qui n'a rien eu. Il aurait peut-être mérité un petit quelque chose. Et d'ailleurs, comme pendant les festivals, on peut voir des films en parallèle en salle. Moi, je me suis tapé le film d'ouverture de Arnaud Desplechian, qui s'appelle Les Fantômes d'Ismaël, qui confirme mon désamour total pour ce cinéaste. Alors, en plus, là où je m'étais pas bien renseigné, c'est il paraît que ce film-là ne peut être aimé et entre guillemets compris que par ceux qui, en gros, se sont tapés toute sa filmo, parce que c'est il fait beaucoup référence à sa vie, son œuvre et tout. Donc, si vraiment t'es pas fan du mec et que t'as pas vraiment vu grand chose, ça sert à rien d'aller le voir et tu risques de t'emmerder pendant 2 heures. Ce qui m'est arrivé malgré un casting en or. Hein. Ah, Marion Cotillard, ça. Charles Gainsbourg. Logiquement, c'était pas possible que ça m'emmerde. J'aurais donc dû être touché. Tout était réuni pour que tu aimes. Sauf le réalisateur. Donc voilà. Du coup, voilà, pour moi, un film d'ouverture très très faible par rapport à celui de l'année dernière qui était Café Society que j'avais adoré. Qui était aussi une grosse surprise pour moi parce que voilà. Ouais. Mais dans le genre très bon film que j'ai vu à l'occasion, c'est L'Amant double de François Ozon. Pour moi, François Ozon, c'est. Bah, attends, on va en parler à la Selec. À la Selec, parlons à la Selec. Allons-y, parlons à la Selec. Pas de soucis. Oui, donc voilà, on va passer à la Selec du coup. D'accord. Tu vas pouvoir parler surprise, on va voir. On est donc à la Selec, et c'est bon, tu vas pouvoir parler de L'Amant double, donc je vais te laisser de nouveau la parole. Et bien L'Amant double, donc le nouveau film de François Ozon, qui pour moi est peut-être le réalisateur français qui me passionne le plus, parce que je trouve qu'il propose une alternative aux comédies populaires et aux drames un peu autoristes. Il propose des choses très différentes. Quand on regarde sa filmographie, on voit qu'aucun film ne se ressemble. Et il a réalisé pour moi l'un des meilleurs films français, peut-être mon film français préféré avec Amélie Poulain, qui s'appelle Huit Femmes. Ouais. Dans la maison avec Fabrice Luchini, qui était fabuleux. Swimming Pool avec Charlotte Rampling, que je vous conseille, qui est un film un peu oublié, mais qui est très très mystérieux. C'est un thriller très sensuel. Et d'ailleurs, je trouve que L'Amant double et Swimming Pool se répondent un petit peu sur des thèmes un peu précis, mais je vais pas trop en parler. Donc L'Amant double, c'est l'histoire de Chloé qui est jouée par Marina Vatch, qu'on avait vu dans Jeune et Jolie, de François Ozon toujours, qui était aussi excellent, qui joue le rôle d'une femme qui est malheureuse, qui va suivre une thérapie avec un psychologue qui s'appelle Paul, qui est joué par Jérémy Régnier, plus connu sous les traits de Claude François dans le chef-d'œuvre de Florian Emilio Siri. Elle va donc avoir une relation amoureuse avec son thérapeute, et petit à petit elle va se rendre compte que son thérapeute a une double vie, c'est-à-dire qu'elle croise quelqu'un qui lui ressemble énormément tous les jours, il est un peu dans le déni. On apprend très vite, je ne spoil rien, on apprend très vite qu'il a un frère jumeau. C'est dit dès la bande-annonce, c'est dit. Mais c'est en gros que qu'est-ce qui se passe, pourquoi il renie son frère jumeau, est-ce qu'il y a une manipulation, voilà. Donc le film part loin dans une espèce de sensualité, dans une forme de perversité aussi, parce que je trouve que François Ozon, il a le chic pour jouer avec mes nerfs. Quand j'ai regardé Dans la maison ou Swimming Pool, qui sont des films très nerveux avec un suspense assez malaisant, qui est palpable tout le film, quoi. C'est-à-dire, et j'ai retrouvé vraiment cette force du suspense et de la sensualité qui, personnellement, m'a fait rappeler un peu le cinéma de Brian De Palma. Le film m'a beaucoup fait penser à Pulsion, d'ailleurs, qui est en plus mon film préféré de Palma. Et je trouve que pour filmer la sensualité, la sexualité, il est vraiment à l'aise. Il a un amour pour son actrice et aussi pour Jérémy Régnier, qui est exceptionnel, parce que c'est quand même pas évident de jouer deux personnages différents. Son amant de base est quelqu'un de très pudique, très discret, très calme, et son frère jumeau est quelqu'un d'assez c'est un pervers narcissique absolument dégueulasse qui ne voit en elle qu'une femme objet avec qui il peut coucher dès qu'il peut. Et du coup, c'est, il y a une relation assez malsaine, et tout le film en fait c'est assez ambigu, parce que du coup on est perdu. Est-ce que c'est lui qui est schizophrène, est-ce qu'il a vraiment un frère jumeau, on se pose toutes les questions imaginables dans ce film là et alors que j'étais un peu déçu de Franz, que j'avais trouvé très beau visuellement mais très faible en matière d'émotion, là je retrouve France m'a vraiment pas surpris en fait. J'ai trouvé ça un peu froid, je trouvais que c'était un bel objet mais qu'il y avait pas grand chose derrière. C'était ouais, très si. Beau. Mais là j'ai retrouvé vraiment le François Ozon que j'aime bien, celui qui me raconte des histoires très originales avec une sensualité, avec une espèce de une forme de violence aussi, une violence très psychologique. Et c'est vraiment un grand trauma qui dure 1h45 avec des acteurs qui sont pour moi fabuleux. Et j'aurais aimé qu'on le récompense, prix de la mise en scène, j'aurais bien aimé, par exemple. Pour le prix d'interprétation masculine, j'aurais bien vu Jérémy Régnier, parce que mine de rien, c'est un super acteur. Et voilà, les scènes, filmer le sexe au cinéma, on peut soit tomber dans la perversité, il y a une sensualité, même devant des scènes qui sont un petit peu choquantes dans ce qu'elles montrent, mais il a un truc, ce mec, c'est qu'il arrive à embellir ce qui est mal, en fait. Et du coup, ça crée une espèce de schizophrénie dans ma tête. Je me dis, est-ce que je dois trouver ça beau ou est-ce que je dois trouver ça malsain? Et c'est ça que j'aime chez ce mec-là, c'est qu'il arrive à... Et c'est des films totalement à part dans le décor, quoi. Pour moi, François Ozon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus osé, j'ai envie de dire. Avec François Ozon, il ose. Et donc j'aime beaucoup ce film et je vous le conseille. Ok, nickel. Ben ouais, je sais pas s'il passe encore au cinéma, possiblement. Ouais, je crois qu'il passe encore au ciné, donc si vous avez le temps d'aller le voir... Du coup, Morgan vous le conseille. Ah oui, alors quand on est dans mon cas, quand on n'aime pas les chats, ce film est une torture. Il y a une scène, franchement, qui a un grand trauma. C'était horrible à regarder. Quand je dis que les chats ont tendance à me foutre la trouille, je crois que Ozon m'a... Il a dû m'analyser dans son subconscient. Il a dû se dire, lui, c'est un de mes plus grands fans, mais je vais le faire flipper pendant deux bonnes minutes. Il y a une scène qui est juste tétanisante. Mais... Moi, j'adore les chats. Moi. Et elle sera trop mignonne pour nous, alors. Non. Même quand on aime les chats, c'est un peu particulier, quand même. Voilà. Ok, d'accord. On va passer du coup à Eddie qui va nous parler de Pirates des Caraïbes, d'un dernier petit film indépendant. Voilà, c'est Jerry Bruckheimer, c'est un petit producteur sortie. Indépendant quoi. C'est le dernier Pirates des Caraïbes. Nous deux, Morgan et moi-même, nous l'avons pas vu. Ouais, je boycotte. J'ai pas envie. Faute de temps et faute d'envie de notre part. Ouais, j'ai pas supporté le 2, hein, franchement. J'ai pas eu la foi de voir le 3 ni le 4. Donc... Ah ouais, bah, c'est pareil pour moi, le 2 m'a un peu... Mais je verrai normalement le 3 et le 4 un jour, comme je l'ai dit. Eddie, donc, le 5e, est-ce que ça vaut le coup? Tu as fait une critique d'ailleurs sur le site. Il y a 3 semaines quasi. Ouais, quand c'est sorti, quoi. Oui, je sais plus. Mais moi j'ai bien aimé. Après, oui, c'est pas le meilleur, c'est sûr. Hein. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, c'est que ils reviennent un peu aux fondamentaux, en fait. Ils reviennent un peu au premier. D'accord. Et ça, c'est plutôt cool parce que le premier, est considéré comme le meilleur. Moi, j'ai une affection particulière pour le 3, mais c'est vrai que le premier a quand même une saveur bien à lui. Et c'est vrai que là, on revient vraiment sur ce qui faisait le charme du premier. Donc, on est dans quelque chose qui est un peu plus humble au niveau de. C'est plus de l'aventure. Ouais, c'est plus de l'aventure. Disons que c'est un film qui. Parce que le deuxième et le troisième, en fait, ne sont qu'une seule et même histoire. Ouais. C'est pour ça que le deuxième peut paraître long parce qu'il expose beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais du coup, celui-ci, en fait, est comme le premier. Il a un début, un milieu, une fin. D'accord. Donc forcément le rythme est pas pareil et après je trouve que visuellement ça va, c'est pas trop mal, même s'il y a 2-3 effets qui sont un peu cheap. Mmh. Mais j'avais peur concernant le personnage de Javier Bardem. Ouais. Et au final ça rend beaucoup mieux dans le film que dans les bandes annonces. D'accord, c'est déjà ça. Donc ça c'est bien. Et ensuite. Ensuite, au niveau de l'histoire, c'est assez bateau, mais Morgan va rigoler, donc non. voilà. C'est plan-plan, mais c'est assez classique, quoi. En fait, okay. ça permet juste de revenir à un bon film d'aventure, qui ouais. pourrait éventuellement bien conclure la saga aussi. Mais quand on voit la scène post-générique, on se dit que non. Ils ont prévu des suites, quoi. La scène post-générique, oui, bien sûr, elle est cool, mais ça m'a un peu fait chier. Je me suis dit, ce serait bien que ça se termine, quoi. Et on sent que c'est pas forcément prévu. Mais bon, vu que le film, il marche pas si bien que ça non plus. Mm-hmm. Il fait pas un record incroyable, hein. Comparé à Wonder Woman justement, et c'est vrai que du coup, peut-être que les plans de Disney seront contrecarrés un peu. Mais de toute façon, moi j'en suis ressorti en me disant que, alors déjà, 5 films, donc bon, c'est honorable hein, pour une saga. Ah oui. Il y en a pas beaucoup qui vont jusque là. Et après, c'est aussi parce que j'ai trouvé autant le casting, j'ai trouvé bien, que ça soit les deux nouveaux, Brenton Thwaites l'actrice de Skins là et qui joue dans le labyrinthe là. Ah oui, Kaya Scodella. Kaya Strun. Ouais. Et ils sont très bien tous les deux, ils apportent du sang neuf. Orlando Bloom est très bien aussi dans son rôle. Puis il revient et ensuite Javier Bardem est pas mal non plus, Geoffrey Rush toujours très bien aussi. Mais après voilà celui qui est le c'est ça qui m'a le plus dérangé, c'est que là pour le coup je le trouve vraiment fatigué en fait. Ouais. Et je pense qu'au bout d'un moment ça devient une caricature de lui-même. C'est enfin, ça ouais. Ouais. Tu sais plus en fait, le problème c'est que Johnny Depp est devenu Jack Sparrow. Donc c'est pas déjà c'était un peu le cas je trouve dans Lone Ranger. Il jouait un autre personnage. Mais ça ressemblait tellement hein. Enfin c'est vraiment on retrouvait un peu trop Jack Sparrow proche, hein. Ouais. Donc bon, c'est compliqué et c'est vrai que là, évidemment, hein, il a ses scènes à lui. Il y a des moments où c'est drôle, mais c'est vrai que, c'est pas le Jack Sparrow du premier quoi. Et il n'y a pas la surprise en fait de Johnny Depp dans le premier film aussi. Donc c'est une bonne aventure, ça fonctionne bien, ça étend un peu plus aussi la mythologie pirate avec. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière. Donc oui, c'est un bon pirate des Caraïbes, c'est mieux que le 4 je trouve, c'est un vrai film de pirate comparé au 4. Ouais. Mais bon. Après c'est sûr ça vaut pas le premier ni le 2 et le 3 quoi. Donc Ah ouais, d'accord. Même pas le 2 ? Mais le 2 est très bien. Ah, donc je pense que si vous aurez plus de facilité, si vous trouvez le deuxième long, vous aurez plus de facilité à regarder celui-là, ce qui bouge plus. Okay. Et puis il est plus. Ouais. Mais comme je dis, c'est une histoire qui se termine, c'est un épisode. C'est pas un film, c'est pas une histoire coupée en deux. Quoi. Ouais. Voilà. C'est déjà ça. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il faut le voir. Un peu comme le premier. Je pense en fait que la saga aurait commencé par un film comme ça, elle aurait eu le même succès, disons. Mmh. D'accord. C'est un film qui aurait très bien pu lancer une franchise, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc du coup, ben, oui, j'ai bien aimé. Je l'achèterai en Blu-ray, je le reverrai avec plaisir. Mais après, voilà, c'est pas le, bah c'est, non, pas mon, oui, c'est pas mon Pirates des Caraïbes préféré. Ok. C'est tout. Mais allez-y, hein. Il y a pas de. Si vous avez aimé les autres, je pense que vous apprécierez. Hein. Mmh. Oui. Et je suis l'un des rares à avoir trouvé Johnny Depp assez assez mauvais. Donc bon. Oui, d'après ce que j'ai lu, il y a pas, enfin. Ouais, dans les autres critiques que j'ai lues, c'est vrai que quand je vois la mienne à côté, je me dis bon, en fait, il y a que moi qui suis là, qui suis pas trop d'accord là-dessus, donc bon, ça va. Ouais, ok. Bah voilà, donc c'est toujours dans la même lancée. Donc oui, comme il vient de dire, si vous aimez les Pirates des Caraïbes, je pense que vous serez pas déçus. Et je pense que vous l'avez déjà vu, sinon. on va continuer, Morgane et moi-même, on va parler d'un film. Alors. Moi, je l'attendais beaucoup, hein, mais c'était dans mon top des attentes 2017. Il était dans mon top 5, moi, hein, je vais pas bouder le truc, hein, il était quand même dans mon top 5 parce que ouais, bah, j'y ai cru, mais voilà. Ouais. Avant qu'on parle du film, on va peut-être essayer de placer un peu ce qu'on pensait de Prometheus rapidement. Moi j'avais beaucoup aimé Prometheus quand je suis allé voir au cinéma. Je ne l'ai pas revu depuis, donc c'est peut-être pour ça que j'ai gardé... J'ai peut-être pas osé le regarder parce que peut-être que j'aurais vu ce que les autres ont vu de mauvais dedans. Mais moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé Prometheus. J'avais passé un super moment au cinéma. Enfin, tout ce que j'attendais d'un film Alien, c'était retrouvé dedans. Donc, quasiment, hein, on va pas non plus... c'était pas le film parfait, ça équivalait pas non plus à Alien 1 ou Alien 2. Mais voilà, je trouvais ça très bon. Morgane, toi, je sais que tu n'étais pas très fan du... Je vais recontextualiser les choses. Moi, quand je l'ai vu en 2012, je n'avais pas revu et même vu les Aliens en général. J'avais un lointain souvenir du 1, du 2. Enfin, voilà, c'était pas frais dans ma tête. Donc, j'ai vu Prometheus vraiment comme une... voilà, c'était limite la première fois que je voyais de pleine conscience un Alien, enfin, un film Alien. Donc, j'étais sorti, j'avais adoré. Il était dans mon top 10 de mes films de 2012. Ouais, mais il se trouve que deux ans plus tard, parce que je l'avais vu deux fois au cinéma, hein, deux fois j'avais aimé, hein, mais deux ans plus tard, j'ai fait le marathon Alien au Grand Rex où j'ai clairement redécouvert, où j'ai découvert et redécouvert la franchise. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai revu Prometheus. Juste après, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que Prometheus, le problème que j'ai, c'est que si je le prends comme un film à part, c'est-à-dire juste comme un film horrifique dans l'espace... De science-fiction. Ouais, de SF, ça peut passer. Pourquoi pas? Et il y en a d'ailleurs qui disent, mais Prometheus, faut le prendre comme une franchise parallèle. C'est impossible, on peut pas. C'est forcément vendu comme une préquelle. Plus, à partir de Covenant, c'est impossible. Surtout dans Prometheus, on voit quand même le Space Jockey. Alors, il y en a, ils disent c'est peut-être pas celui qu'on voit dans le 1, mais on le voit quand même. Donc, ça reste un univers. C'est le même univers. Il veut nous raconter l'avant, et je trouve que ça se tient pas vraiment. Mais Prometheus, limite, depuis Alien Covenant, je le revois à la hausse, parce que quand on voit le niveau d'Alien Covenant, c'est un peu... voilà. Prometheus, il y a des bonnes choses. Visuellement, c'est excellent, c'est magnifique. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu schizophrène dans le film qui me dérange un peu, parce que il y a Ridley Scott qui dit qu'en gros, ce n'est pas une préquelle d'Alien. Quand on regarde le film, il y a tellement d'éléments, de scènes qui rappellent Alien, le 8e passager. C'est impossible pour moi de me dire... Que ça n'a rien à voir. De dire que ça n'a rien à voir ou que c'est... Non, c'est pas possible, c'est Alien. Et ce qu'on me raconte, je me dis, j'ai l'impression que c'est un truc un peu con-con et qui est un petit peu bien moins percutant dans sa symbolique. C'est un peu plus bêta, alors que Alien, quand même, ça poussait des questions sur notre... Voilà, il y avait des questions très métaphysiques derrière, en rapport à la maternité et tout. Enfin, ça allait beaucoup plus loin. Là, je trouvais quand même que c'était un peu... Bah, finalement, voilà, pour moi, c'est un film raté dans ses intentions de raconter l'avant. Pour moi, dès l'instant où tu te plantes là, et du coup, bah, Alien Covenant, voilà. Déjà, voilà, Prometheus, en gros, trébuché. Et là, pour moi, Alien Covenant, c'est l'effondrement, quoi. Donc, on en reparlera. Ouais, d'accord. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un hors-série sur. J'aimerais bien. Surtout que la saga Alien de base. Alors, même si j'ai j'ai posé la question quel est ton préféré. Ouais, moi, je sais laquelle... ça reste le 2 quand même. Que... pour moi, Alien le Retour, je sais pas, c'est tout ce que j'aime d'une suite en plus. C'est ce que Cameron en a fait. Et d'ailleurs, Ridley Scott n'aime pas du tout ce que Cameron a fait. Et on l'a bien vu, ouais. On a compris. En voyant Alien Covenant, on est sûr qu'il n'aime pas Alien le Retour. Mais Alien le Retour, c'est du grandiose. Du cinéma de SF avec des moments de flip, mais incroyable, quoi. C'est un actionneur idéal, quoi. C'est vraiment la belle époque où on pouvait. C'est Cameron, quoi. Voilà. Ouais, alors. Moi, mon anime préféré, c'est le premier. Je peux comprendre. Ouais, parce que, enfin, pour moi, il a clairement beaucoup plus de. En fait, j'adore le deuxième. Franchement, c'est vraiment un très très bon film. C'est excellent, Cameron, etc. Mais je trouve qu'il en a fait un actionneur. Et enfin, il en a fait vraiment un actionneur, même si c'est pas complètement débile comme un actionneur typique des années 80. Ça reste, il prend une saga qui est censée être horrifique science-fiction, qui est censée être assez lente, etc., et il en fait quelque chose de plus dynamique, etc. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est complètement différent. Et personnellement, j'adore la vision de Ridley Scott dans les années 70 de la saga Alien, du film Alien, puisque avant, enfin, il savait pas que c'était une saga quand il a fait le premier. Et ouais, franchement, le premier, il est, mais pour moi, dans la saga Alien, il n'y a aucun film à jeter. Même si il y en a qui sont un peu en dessous, il y en a qui, enfin, il y a eu des problèmes de production sur le 3 et ça se voit clairement. Sur le 4, c'est aussi pas non plus, c'est pas du niveau du premier ou du deuxième, mais ça reste toujours des bons films. Voilà. Là, on va parler par contre d'Alien Covenant. Donc qui est censé être, qui se passe normalement directement après Prometheus, c'est une dizaine d'années après. Donc, avant qu'on parle de l'histoire et tout ça, on va rapidement dire que c'est réalisé par Ridley Scott, comme on l'a dit, que le scénario est de Michael Green et John Logan, donc des gens qui ont fait, entre autres, pour Michael Green, le scénario de Green Lantern, le film, ou de Logan, ou du prochain Blade Runner, voilà, et John Logan qui a fait le scénario de Gladiator, Simba de la Légende des Mers, Le Dernier Samouraï, Hugo Cabret, Noé, enfin voilà, Spectre, voilà, il y a du bon et du moins bon, on va dire. Donc, c'est sorti en France le 10 mai 2017, aux États-Unis le 19 mai, on retrouve à la distribution le seul personnage qu'on revoit, enfin, le seul acteur qu'on revoit du précédent, donc de Prometheus, c'est Michael Fassbender. Qui fait de la flûte. Cette scène, oh là là. Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Damian Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollett, Amy Semetz et Cali Hernandez. T'as oublié James Franco quand même. Voilà, j'ai oublié James Franco qui a franchement tiré le meilleur deal du film. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Son rôle, je crois que... Nickel, là. Je savais même pas qu'il était dans le film. Et quand on découvre que c'est... Enfin, c'est pas vraiment du spoil si on le dit, parce que ça se passe pendant les 5 premières minutes du film. Ouais, on spoil rien. Donc, hein, franchement, James Franco, il joue le capitaine du vaisseau Covenant, qui est marié avec Daniels, donc qui est Catherine Waterston, qui est la héroïne du film, à peu près. C'est un peu la Ripley ou la Michael Shawn, enfin la Elizabeth Shaw, pardon, de Prometheus. Autrement dit, la Ripley version Leader Price. C'est ça, exactement. Donc James Franco meurt au début, enfin le capitaine, dans une, je sais plus comment ils les appellent, les chambres cryogéniques là, pour dormir pendant des années et pour revenir, penser à une capsule, allons-y au ouais plus voilà, simple. Une capsule, voilà, c'est ça. Désolé pour les vrais fans qui savent le nom de ça. On le voit juste sur... en fait, quand il meurt, sa femme va dans ses affaires et trouve une tablette avec une vidéo de lui qui monte sur une montagne. Et c'est le seul moment où on le voit. Voilà. Donc James Franco a vraiment tiré le meilleur deal du monde sur ce film. voilà, j'ai à peu près tout dit pour ce qui se passe au niveau production. Morgane, est-ce que tu veux commencer à attaquer par l'histoire? Ah ouais, Ce qui ne avec va plaisir. ce qui ne Oh, va pas, non. si dès les défauts d'Alien Covenant, il nous faudrait toute une journée pour en parler. Je crois qu'en fait, dans ce film-là, il n'y a rien qui va. Mais il n'y Non, a strictement rien. je suis pas Allez, d'accord avec ça. allez, à part, allez, encore une fois, à part visuellement, mais en fait, il y a des qualités similaires à Prometheus, à savoir visuellement, mais alors, les défauts de Prometheus, sont amplifiés, mais puissance 1000. C'est-à-dire que, dans Prometheus, par exemple, même si le film n'était pas terrible, il y avait au moins un casting solide. Il y avait Idris Elba, il y avait Charlize Theron, et il y avait Noomi Rapace. Là, on a quand même affaire aux héros de l'espace les plus crétins et les plus inintéressants que j'ai vus, mais depuis. D'ailleurs, je crois que vous en avez parlé dans un précédent podcast, le film Life. Vous savez que t'es sorti là. Ouais, c'était J'avais peur en voyant. Adrien qui en parlait, ouais. Life fait un meilleur Alien que Alien C'est ce qu'il Covenant. disait, il disait exactement la même chose. Mais totalement. C'est un truc de fou. De voir à quel point Ridley Scott, pour moi, piétine la mythologie alien et. Il a saboté sa propre saga, Il quoi. a saboté sa propre C'est. saga sans même respecter ce que les autres avaient fait. Parce que moi, je pars du principe que sans Cameron, et on le sait encore une fois que Ridley Scott n'aime pas le film de Cameron, il n'aime pas ce que Cameron en a fait, parce que Cameron, voilà, il est parti un peu dans le gros spectacle, actionneur un peu bourrin, avec cette histoire de reine. Parce que, souvenez-vous, dans Alien 8e passager, il n'y avait qu'un alien, qu'un xénomorphe. Là, dans le 2, on se tape toute une armée, quoi, avec la reine à la fin, et ça donnait peut-être le moment de. Un des. Plus grand moment de badasserie de l'histoire du cinéma, et je suis persuadé que sans Cameron, Alien ne serait pas Alien et Ripley ne serait pas Ripley. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'on aime Ripley et qu'elle est aujourd'hui une des meilleures héroïnes qu'on ait vues au cinéma, c'est pour moi grâce à Cameron. Voilà. Mais Ridley Scott aussi, hein, je dis pas qu'il l'a, mais pour moi, Cameron a amplifié carrément la mythologie, il a fait Oui, quelque non, ouais, chose, je... et pour moi, Ridley Scott ne respecte même pas ça. Alors, du coup, soit c'est de Mais l'idiotie ou. j'ai l'impression avec ce casting, enfin avec cette espèce d'équipe de l'espace un peu bêta, il a vraiment essayé de copier un peu ce que Cameron a fait, mais en version débile, quoi. Et je comprends pas en fait son intention en faisant ça, parce que il a quasiment les mêmes personnages qu'on retrouve dans Aliens. En version encore plus débile, encore plus crétin, et qui font n'importe quoi, quoi. Il y a tellement de trucs idiots que font ces gens-là quand ils arrivent sur une nouvelle planète. J'arrive pas à comprendre, quoi. Je comprends pas les intentions de Ridley Scott en fait en faisant ça. Oui, voilà, en termes de réaction, et c'est Ouais. dommage. Même le personnage de Fassbender, qui pour moi, c'est. Quand on. Bishop, là, Ouais. je sais plus comment il s'appelait dans le premier Si, c'est Alien. Bishop, ouais. C'est Bishop Ah, dans le premier. Non, dans le premier. non, c'était je sais Dallas! plus. Dallas, ouais. Dallas, c'est ça. Voilà, donc il essaie de faire, il recycle, il essaie de faire un truc similaire, mais pour moi, il n'y arrive pas. Et Non. même, voilà, que ce soit les personnages ou même les acteurs qui sont totalement à la ramasse, l'héroïne, elle est nulle. C'est-à-dire qu'au moins, Non. Noomi Rapace, dans Prometheus, elle était quand même, elle était classe, elle avait quelque chose. Et d'ailleurs, voilà, le truc positif que je dirais, que je vais accorder au film, c'est qu'ils ont quand même réussi à boucler l'histoire parce qu'on savait que Noomi Rapace ne reviendrait pas, ne serait pas dans le film. Ils ont arrivé, enfin, ils ont quand même réussi à trouver une petite astuce scénaristique pour justifier son absence, qui en soi est pas mal. Mais Mais après, dans la. tu sens que tout ce film a été fait autour de l'absence de Elisabeth Shaw, donc Noomi Rapace. C'est Ben moi vraiment, je t'as vais je l'impression que si elle s'était ouais. pas barrée, le film aurait été complètement différent. Et ça, Bah c'est vraiment bizarre. voilà, c'est ça. Et c'est surtout que, alors moi, sachant ça, honnêtement, et je vais pas spoiler la fin, mais j'étais persuadé que À la et fin, là tu la vois peut-être crever depuis une autre fois. j'aurais trouvé le film à la limite sympa. Comme je pensais que Ridley Scott aurait respecté, parce qu'il respecte même pas l'idée qu'il y ait une reine. Si on part du principe d'Alien Covenant, la reine dans le 2 ne peut pas exister. Donc déjà, c'est saboter une mythologie. Peu importe si c'est Cameron qui a continué et que même le coup de la reine, c'était pas vraiment cohérent. Il y en a qui disent quand même que le coup de la reine, c'est finalement pas si cohérent que ça par rapport au premier Alien. Moi, je trouvais que ça se tenait, mais ça, il fallait. Ça se tient. Ouais. Pour moi, ça se tient, mais pour moi, il fallait au moins respecter ça. Par rapport à, pour moi, c'est un twist de fin, clairement. Il y a une espèce de twist par rapport à la mythologie. Pour moi, ça ne se tient pas. Donc, du coup, ça veut dire, en gros, je désapprouve totalement le travail de Cameron, de Fincher et de Jean-Pierre Jeunet. C'est Alien, c'est à moi, c'est mon bébé. Je vais faire. Voilà, vous, pas de touche, il n'y a que moi. Pour moi, c'est de la mégalomanie. Et du coup, il se tire une balle dans le pied. Et je t'avoue que par rapport à ce twist-là que j'ai trouvé ridicule, ça donne lieu à des scènes. Tu l'as pas vu à 3000 km le twist? Je l'ai pas vu à 3000 km. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, vu que je pensais qu'ils allaient, que la reine allait avoir un petit, enfin, qu'ils allaient quand même en parler, je me suis dit, Noomi Rapace, à mon avis, elle a dû avoir un truc, elle a dû muter, que c'est elle la reine dans le 2. J'aurais aimé qu'on me dise ça. C'est possible. Ah mais j'aurais adoré, là ça aurait été génial. J'aurais dit ok, là il s'est rattrapé. Finalement c'est encore plus idiot. C'est idiot possible. Et ça donne lieu à des scènes qui sont à la fois nulles en matière de symbolique. Quand on voit un xénomorphe en train limite de faire la révérence devant devant un personnage, c'est dur de parler sans spoiler. C'est dur de parler, c'est complètement nul des... Et t'as quand même l'impression à travers cette scène là que c'est Ridley Scott qui est en train de se mettre en avant, genre non mais Ridley Scott pour moi en fait il y a une espèce de double lecture, de symbolique de dieu, voilà c'est ça, de créateur de personnages, et c'est un peu la même chose que M. Night Shyamalan dans Lady in the Water, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est l'écrivain qui s'écrit lui-même dans son dans son histoire et qui se donne des qualités de dieu. Enfin c'est vraiment bizarre au niveau symbolique. Et enfin, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Enfin, c'est peut-être qu'il est mégalomane, c'est totalement mégalo. Je voyais pas Ridley Scott en fait comme ça. Franchement, moi, je m'imaginais pas en tant que, enfin, aussi mégalo que ça, quoi. Ah, pour moi, c'est totalement ça. Et dès l'instant où le film, c'est un film très auto-centré, qui ne prend pas la peine de respecter la mythologie, mais pour moi, n'a d'alien que le titre et même le xénomorphe dans le film. Mais pardon, il est pas flippant du tout. Il est raté, il est totalement. Déjà, il est moche. Il est moche déjà. Il y a pas de tension, il y a pas de suspense. Tout est couru d'avance. Pour moi, le climax est raté. Il y a rien, il y a rien. Pour moi, c'est du flan total. Il y a tellement de promesses. Et c'est pour moi, c'est honteux de s'appeler Alien Covenant, quoi. J'avais acheté il y a pas longtemps le coffret Alien Anthology en me disant non, il y a Alien Covenant qui sort, finalement je vais peut-être pas l'acheter. J'ai dit tant pis, je prends le risque, mais je n'achèterai plus. Déjà je pars du principe qu'il aurait même pas fallu faire de suite, même un Alien 5 par Neil Blomkamp, même si je trouve l'idée pas mal, franchement ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été mieux, mais bon il y avait quand même cette idée de supprimer Alien 3 et Alien 4 ça m'a un peu gêné. Partant de là, moi je trouve la fin d'Alien 4 parfaite. Pour moi il n'y avait pas besoin de suite. Je sais pas ce qu'ils ont avec il faut pas relancer la franchise ou faire autre chose. Ils auraient très bien pu faire une espèce de spin-off. Là c'est même pas un spin-off, c'est une préquelle, donc du coup ça se tient pas pour moi. Et quand j'ai revu Alien 1 et Alien 2, bah, j'avais Alien Covenant en tête et je me suis dit, ben non, ça se tient tellement pas, quoi. Je peux pas. Non. Et du coup, ça me fait détester le film pour des raisons et cinématographiques et limite morales d'un point de vue du mec qui a créé Alien. Autrement dit, l'une des meilleures franchises de l'histoire du cinéma. Et c'est la piétiner et insulter la mythologie, quoi. Il s'insulte clairement. Lui-même ou il se ridiculise. Mon Dieu, que c'était nul. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Vas-y. J'arrive dans la salle, je me pose et là je mets mes lunettes 3D. Ah, tu l'as vu en 3D en plus? Non, justement. Je mets mes lunettes 3D et puis je me dis, putain, la 3D elle est naze. Parce que dans Prometheus, la 3D était super. Je suis, la 3D elle est naze. Et puis quand la 3D est un peu naze, qu'est-ce que je fais? Moi, vous savez, j'enlève les lunettes, je les remets, je les enlève. Puis je me suis dit, bizarrement, je vois de la même couleur. Je veux merde. Et en fait, le film était en 2D. Il n'est pas sorti en 3D, Covenant. Il est sorti qu'en 2D. Mais attends, mais les gens autour de toi, il n'y avait personne qui portait des lunettes? Bah moi, en fait, comme je mets toujours tout en bas et que j'arrive en gros 2 minutes avant le début du film, j'ai compris. Ouais. En fait, il y avait des gens qui m'ont vu, mais je pense pas qu'ils aient fait gaffe, quoi. Mais C'est vrai que le moment de solitude, une demi-heure plus tard, j'ai regardé sur mon téléphone, je me suis dit, attends, je vais regarder sur les séances. J'ai regardé sur mon e-billet, je fais, ah bah non, c'est en 2D. Voilà. Voilà le moment de solitude que j'ai vécu. J'imagine les gens qui ont dû se dire, mais c'est qui ce mec qui regarde, qui met ses lunettes 3D. Voilà. Ouais. Bon, alors, moi, je ressens à peu près la même chose. Je serais peut-être un peu moins dur. Pour moi, je trouve que... Alors, il y a deux choses différentes. Visuellement, au niveau du design, des créatures, des planètes, etc., je trouve ça moche. Je trouve ça dégueulasse. Le petit alien qui est complètement taré et qui tue tout le monde. Oh mon Dieu, oui. Oh là là. C'est n'importe quoi. Il est dégueulasse. Ça ne respecte même pas ce qui se passe dans le premier, tu vois. Avec les facehuggers, enfin, après ils y reviennent, mais c'est un peu n'importe quoi. Au niveau design, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Par contre, niveau réalisation, et il y a surtout une scène qui m'a marqué en fait, et pour moi c'est ma scène préférée dans le film. C'est parce que la réalisation en fait rajoute beaucoup à la tension qui se passe. C'est quand un des personnages se retrouve enfermé avec un alien, clairement, et qu'elle sait pas vraiment quoi faire. En fait, elle se retrouve avec un personnage qui a un alien en lui, et après l'alien sort de lui et elle sait pas quoi faire. Et en fait, il y a toute une scène d'aller-retour avec un autre personnage à l'extérieur de cette pièce qui peut voir ce qui se passe. Et pour moi, c'est une des meilleures scènes parce que c'est vraiment très bien filmé, c'est bien mis en scène, la tension elle monte, c'est ce que j'attends d'un alien en fait. C'est ouais, voilà, tension. C'est ça, c'est une tension alien. Ouais, voilà. Et de la métaphysique un peu, voilà. Voilà, et le reste du film, c'est plat. On ressent aucune tension, aucune émotion. Ils font mourir le personnage principal de James Franco au début, et du coup, on voit pleurer Daniels, le personnage principal du film. Dès le début, pendant au moins 10 minutes, mais on n'a aucun attachement à ce personnage et aucun attachement à elle, donc on peut pas vraiment ressentir les émotions qu'elle ressent. Donc pour moi, il y a un problème là. En fait, il prend pas le temps d'écrire ses personnages, enfin, ils ont pas pris le temps d'écrire leurs personnages, les scénaristes, puisque c'est pas Ridley Scott qui a fait le scénario, mais il a quand même approuvé, hein, bien sûr. Donc pour moi, ils prennent pas le temps d'écrire bien leurs personnages, de leur donner des émotions, qu'on puisse ressentir que c'est des vrais humains. Là, on a vraiment l'impression de voir des robots en train de jouer. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, il n'y avait aucun film de la saga Alien, même Prometheus, même si je ne l'ai pas revu, comme je l'ai dit, mais qui était vraiment mauvais. Mais là, pour moi, celui-là, même s'il a des qualités de réalisation, c'est tout ce qu'il a pour lui, quoi. Le scénario est ouais. Terrible. Non, il n'y a rien. Les acteurs. Catherine Waterston, pour moi, je trouve que si elle avait été mieux écrite, ça aurait pu être un bon remplacement pour Elisabeth Shaw. Enfin, pour Noomi Rapace, du coup. Mais elle est écrite avec les pieds. On ne sait pas quelles sont ses intentions, etc. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai été complètement déçu en sortant de la salle, quoi. Et j'ai mis une note sur Sens Critique, mais je crois que c'est déjà... Enfin, c'est trop haut. En fait, je suis sorti parce que je me suis dit, bon, c'est un alien, je suis un peu pas très objectif là-dessus. J'ai mis un 5, mais je pense que je vais baisser à 3, parce que, voilà, pour moi, il y a juste en y repensant, c'est juste la réalisation qui ressort et le reste c'est bateau vraiment, là on peut le dire, et c'est vraiment dommage, quoi. Ça aurait pu être tellement mieux franchement. Voilà, je sais pas si on espère une suite, enfin franchement moi j'espère plus suite. Elle va arriver, hein, de toute façon. Ouais. Elle va arriver, ouais. Et voilà, je sais pas, ouais, ce qui va je sais pas ce qui va se passer. Franchement, j'ai plus envie de voir. Et oui, voilà, le twist de fin, on va pas en parler, mais enfin, si, je vais en parler, mais je vais pas le révéler. Mais moi, personnellement, on le voit à 3 km, vraiment, mais pendant 20 minutes, il nous fait croire que c'est. Enfin, qu'il va se passer une chose, et au final, on sait très bien que l'autre chose va se passer et alors, quand ça arrive. On va parler à demi-mot et pas à demi-mour. Est-ce que tu parles genre des deux dernières minutes ou est-ce que tu parles du truc qui se passe une demi-heure avant, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu parles si tu parles du twist de fin, de la toute fin, oui, je l'ai vu venir. Par contre, oui, voilà. Mais voilà, ce qui se passe autour de ce truc-là, je l'ai pas vu venir. Voilà. Vu que ça parle de création, de Dieu, tout ça. Ah oui, non, ça. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Voilà, c'est ça. Non. Par contre, mais moi, les deux dernières minutes. Voilà. On le voit venir pendant les. Pendant 30 minutes, il nous le. Tu sais, il nous montre. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Oui, je vous assure que c'est ça. Et on sait très bien ce qui va se passer. Et en fait, ils essayent de. Enfin, voilà, c'est. Il crée un faux suspense là où il n'y en a pas parce qu'on l'a grillé. Mais voilà, le suspense, voilà, c'est bien c'est ça. Quand. Voilà. C'est ça. Alors que, souvenez-vous, quand on regarde le tout premier Alien, du coup, je spoil un petit peu, mais quand on croit qu'à la fin, l'Alien est. Enfin, moi, à la fin, je croyais vraiment que l'Alien était parti. En fait, je savais pas qu'il était toujours là, quoi. Voilà. Et le combat contre l'Alien, il est nul. Mais il est nul. Oh, ah oui, mais... sur le c'est... truc quand elle a accroché et tout là. C'est horrible. Ah, mais tu compares ça par rapport à ce qui se passe avec Ripley dans le premier, il y a une tension énorme parce qu'elle court dans tout le vaisseau, etc. Enfin, il y a les alarmes et tout, il y a tout le design sonore qui te fout la tension vraiment. Et là, il y a rien. C'est vraiment nul. Enfin, franchement, j'étais déçu de ce film. Voilà. Et je trouve ça dommage. C'est de la merde. On a tout dit. On va pouvoir passer au film du mois, du coup. Voilà, on passe au film du mois. On est donc au film du mois et on va parler ce mois-ci de Get Out ou Get Out, comme vous préférez. Donc c'est un film qui est réalisé par Jordan Peele, aussi scénarisé par lui-même, qui à la base fait partie d'un duo comique très connu aux États-Unis qui s'appelle Key & Peele. Donc là c'est son premier film qu'il réalise. C'est sorti le 24 février 2017 aux États-Unis et le 3 mai 2017 en France. On retrouve au casting Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Erika Alexander, Bradley Whitford, Caleb Landry-Jones, Lil Rel Howery et Keith Stanfield. Pardon. Donc, le film a quand même fait pas mal de bruit. Quand il est sorti aux États-Unis, comme je disais juste avant qu'on enregistre, j'ai juste appris maintenant que c'était le deuxième film d'horreur le plus rentable sur le sol américain, donc c'est quand même déjà pas mal. Surtout vu le sujet. Donc je vais peut-être laisser la parole à Eddie pour commencer, puisque comme tu as été un peu silencieux pendant Alien Covenant... Sinon, je ne vais pas atteindre mon quota de mots à prononcer durant le podcast. Ouais, vas-y. Oui, alors Get Out, moi, c'est pas un film que j'attendais spécialement. En fait, c'est l'engouement général qui m'a rendu curieux. Ouais. Et, parce qu'il faut quand même dire qu'il est précédé d'une très bonne réputation. Oui. Il fait quasiment l'unanimité partout où il passe, ce qui est quand même pas anodin non plus pour un film, surtout aujourd'hui. Bah oui. Donc du coup, oui, c'est surtout pour ça que je l'ai vu. Surtout un film d'horreur. Hein. Oui. Et du coup, je me suis dit, avec un peu de chance, ça va me faire le même effet que It Follows, qui était un excellent film horrifique aussi. Ouais. Horrifique, mais pas que. Et c'est ça qui était bien dans It Follows, même si ça foutait franchement les jetons. On trouve, enfin, moi j'ai trouvé quelques similitudes déjà. Oui, il y a des influences, ouais. Bah, je, oui. Mais après, après, je trouve que les deux films sont quand même assez loin l'un de l'autre. Ils ont tous les deux leur propre identité, donc c'est bien. Après, voilà, si je vais choisir, ce serait It Follows quand même. Je dirais pas que j'ai pas adoré, ça c'est clair. J'ai pas trouvé ça mauvais non plus. J'ai pas trouvé ça dispensable, j'ai trouvé ça bien. Voilà. D'accord. Okay. Donc bon, après dit comme ça, forcément c'est pas très intéressant. Mais non, en fait moi il y a ce qui me plaît évidemment, c'est le sujet, et justement ce qu'on disait par rapport au sujet, c'est aussi bien qu'un film comme ça fonctionne autant qu'il j'ai pas rappelé le synopsis, peut-être que je vais le rappeler rapidement. Si tu... donc Chris Washington pardon, est un jeune photographe noir qui partage depuis 5 mois la vie de Rose Armitage. Il accepte de passer un week-end chez les parents de Rose pour rencontrer sa belle famille, alors qu'il est inquiet des réactions que sa couleur de peau pourrait susciter. Il est accueilli très chaleureusement par Dean et Missy Armitage. L'ambiance dans la grande propriété recèle cependant une atmosphère étrange qui ne va pas en s'arrangeant lorsque les parents de Rose organisent une grande réception avec tous leurs proches. Voilà. Ça, c'est un synopsis qui est bien, qui est concis, qui révèle pas tout. C'est ça, c'est bien. Ouais. C'est, bah, comme la bande-annonce. Oui, comme la bande-annonce. Ouais. Donc c'est vrai que le sujet est intéressant parce que on est, enfin, je pense qu'il faut vraiment vivre dans une grotte pour pas être au courant que être noir aux États-Unis c'est pas encore même partout, hein, on va dire. Ouais, mais bon, c'est vrai que dans un oui, pays aux États-Unis c'est ouais. Là-bas c'est quand même grave vu tout, enfin c'est, je veux dire, c'est pas des, chez nous les on fustige les personnes de couleur sont fustigées surtout par rapport au fait parce qu'il y a de l'immigration, les choses comme ça. Ah, je suis d'accord ça. Et c'est bon, c'est bien sûr c'est dégueulasse, mais c'est vrai qu'aux États-Unis c'est des personnes qui voilà, enfin c'est un États-Unis c'est un pays d'immigrés. Donc ouais. c'est le débat est encore plus bête qu'il ne l'est en France. Ouais. Enfin en Europe en tout cas. Donc c'est vrai que c'est complètement con et c'est débile, enfin je veux dire, en 2017, on aurait pu avoir de débats comme ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est bien qu'un film comme celui-ci fonctionne aussi bien. Et le film s'en moque d'ailleurs de tout ça, vous savez. Il y a une scène que j'ai trouvé géniale quand son beau-père dit mais tu sais, je suis pas raciste, j'ai voté Obama. Je pense que c'est typiquement la phrase. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas raciste parce que j'ai des amis noirs, tu vois. Ouais, et en même temps, je les aime pas trop quand même, quoi. Ils ont pas le droit d'avoir les mêmes droits que moi. C'est très cynique quand même. C'est ça qui. Ah oui, oui, mais c'est ce qui fonctionne dans le film, hein, de toute façon. C'est que tout est suggéré. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, et ce qui est très peu abordé dans les films, parce que d'habitude, quand on voit des racistes dans des films américains ou n'importe quel film, c'est les vieux bouseux de la campagne qui ont jamais vu une personne d'une autre couleur qu'eux. Et qui, enfin voilà, c'est les rednecks de base. Et là, on voit un différent type de racisme. Oui, c'est des gens raffinés, des gens qui sont soucieux des autres et tout. Ouais. Qui existent et qui portent de l'intérêt. Enfin, tu vois, bon, les questions qu'ils posent, par contre, quand ils rencontrent Chris, c'est vraiment chelou. Si t'entends ça, t'es vraiment pas bien. Mais ça pourrait exister, c'est ça le truc, en fait. C'est ça. Ça existe d'ailleurs. Bien sûr que ça existe. Ça pourrait exister. Ça existe. Le nombre de blagues racistes qu'on entend, même à la radio, hein, tu mérirais les chansons, c'est impressionnant. mais c'est fou, hein, d'entendre ça encore. Ouais. Et en fait, il attaque aussi les gens qui disent, voilà, comme tu as dit, ouais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, ou des choses comme ça, qui acceptent la phrase de Nadine Morano, je suis pas raciste, j'ai moi-même des amis noirs. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Non, mais... Et qui se pensent pas racistes et qui détestent les racistes, en fait, mais qui, au fond d'eux, entretiennent le racisme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, et c'est ce qui rend le film malaisant durant certaines séquences, c'est que du coup, il démontre vraiment que en fait le racisme, en plus d'être grave, ça s'est complètement banalisé. Et il s'est transformé. C'est pas juste le fait d'attaquer quelqu'un ou de, enfin voilà, de dire des mots, enfin des insultes raciales, mais c'est pas juste ça, en fait. C'est des les préjugés qui sont intégrés dans la société et qui sont rejetés par ces gens-là, en fait, et qui sont repris, etc. Donc, Eddie, vas-y. Donc, moi, c'est vrai que c'est ce qui je trouve, fonctionne bien dans le film, c'est que, certaines séquences qui pourraient paraître banales, en fait, à travers l'écriture et les dialogues, elles deviennent, parce que c'est des séquences de dîner ou des séquences de présentation des personnages entre eux et tout. Ouais. Et en fait, c'est ces séquences-là qui sont les plus, qui te mettent le plus mal à l'aise dans le film. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est, je me suis dit, voilà, c'est, ça c'est vachement intéressant, parce que si tout le film est comme ça, du coup, ça va être que des sous-entendus, et c'est vrai que c'est ce qui fonctionne bien, quoi. Et c'est, mais en fait, ce qui est bien aussi, et justement parce que c'est quand même un film, un thriller horrifique, pour moi c'est pas vraiment un film d'horreur non plus, c'est plus un thriller quand même. Ouais, mais c'est son. Enfin, il y a certains aspects qui s'en rapprochent vraiment, enfin, assez fortement, personnellement. Ouais, enfin... bon. Oui, si tu veux. Bah, je veux dire, c'est pas un slasher, c'est pas un. Non, non, mais c'est un différent type d'horreur. C'est ça, c'est de l'horreur psychologique. C'est comme. Ouais. C'est comme les. Je sais pas, tu prends Black Swan par exemple, c'est de la violence psychologique, c'est pas forcément. Ouais, exactement, C'est un peu dans cet esprit-là, et en fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est oui le casting, c'est le fait que tout soit sous-entendu et suggéré. Ouais. Et les dialogues, franchement, c'est ce que j'adore aussi, c'est tous les sous-entendus du père, par exemple, quand il présente la maison. Ouais. Où il glisse des petites phrases. Je sais plus ce qu'il dit. Ouais, dans la cave, on a dû. Je sais plus. Elle est condamnée ou... Ouais, voilà. Ouais. En fait, il met le mot noir dans des situations... Enfin, genre, ouais, on a dû peindre, etc. en noir. Ou des choses comme ça. Je sors un exemple, c'est pas la phrase. Mais tu ressens le mot, en fait. Il fait ressentir le mot noir comme quelque chose de péjoratif, mais sans aller sur des... Sur un truc racial, ouais. Voilà, c'est ça, en fait. C'est, on repeint une pièce en noir, donc forcément, c'est pas... Le noir n'est pas associé, c'est anecdotique, mais dans la façon dont il le dit et dans la façon dont il présente, c'est ça en fait le tout. C'est là en fait toute la force du film, je pense. Ouais, c'est vraiment au niveau de l'écriture des dialogues, des personnages aussi, même s'il y en a plus ou moins qui sont, c'est un peu burlesque, mais je pense que c'est voulu. Les deux domestiques. Mais en fait, moi au début je trouvais pas, enfin je trouvais ça un peu bizarre, mais Quand on apprend ce qui se passe, on va pas le dévoiler, mais je trouve que ça fonctionne parfaitement, en fait. Mmh. Ah ouais, totalement. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais après, moi j'ai un peu un problème avec le dénouement final. Donc bon, c'est pour ça que je pensais justement que c'est pour ça que tu n'as pas aimé. Enfin, tu n'as pas complètement aimé. C'est un peu pour ça que, moi je trouve que ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, ça fonctionne un peu moins. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, en plus, au-delà de jouer sur les sous-entendus, les choses comme ça, c'est à travers la mise en scène que c'est assez brillant. Ouais. Il y a plein de petits détails, et ça, je l'avais pas remarqué avant de voir la critique du cercle. Mmh. Et c'est vrai que Philippe Rouillet a évoqué des trucs au niveau de la mise en scène. Mais quand tu les vois, en fait, tu te dis, c'est évident. Enfin, c'était devant nos yeux tout le film. Et après, tu repenses au film et tu te rends compte que, tous ces petits détails-là, ils étaient bien présents. Ouais. Et déjà, ils t'indiquaient plein de trucs. Mmh. Et c'est vrai que la mise en scène est assez riche de détails comme ça. Ouais. Et par exemple... L'ourson. Ouais, l'ourson. Ouais. Ou même la scène où il récupère son portable sur la table de nuit, et qu'il se rend compte qu'en fait il l'avait mis à charger, puis que il a été débranché. Et là, il se retrouve face à face à la gouvernante, entre guillemets, de la maison, et qu'elle s'avance vers lui, et puis le poster qui est accroché derrière lui, il y a sa tête. Il y a sa tête au premier plan, derrière lui il y a le mur avec le poster, et sur le poster c'est un dessin, mais du coup la façon dont la caméra est posée, enfin la caméra est tenue et l'angle que ça crée, en fait t'as l'impression que son crâne est explosé. Ouais. Ça gicle de ça, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans la mise en scène. Et alors ça c'est un exemple, il y a plein d'autres moments. Ouais. Par exemple, de toute façon, la caméra est très intrusive par moment. Il y a des moments où elle va être beaucoup plus éloignée. Et puis à côté de ça, il y a des scènes qui sont complètement bizarres. Genre la scène, la scène de nuit où tu vois le mec là qui court dans le jardin, tu sais pas, tu comprends pas, ça te surprend. Et c'est, et en fait, ce qui fonctionne dans le film, c'est justement parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, tu sais pas pourquoi telle chose se passe comme ça et pourquoi on te montre ça. Qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc jusqu'à là, c'est super bien parce que c'est ce qui fonctionne dans un thriller. C'est que t'as envie de découvrir et en fait je trouve que là le réalisateur mène bien sa barque parce que jusqu'à la fin tu te demandes ce qui va se passer après quand la fin arrive et c'est là que moi j'ai un peu plus de mal. En fait je trouve le dénouement un peu gros. D'accord. Voilà, je trouve la raison pour laquelle il se passe tout ça et pourquoi le personnage principal est directement concerné, je trouve que la raison pour laquelle on veut de lui pour ça est assez C'est la raison, c'est pas la fin ou enfin. Ouais, là les deux. En fait, je trouve que la raison est un peu grosse. Je trouve ça. En fait, ça c'est pas assez terre à terre par rapport au reste du film. Ça paraît un peu surréaliste, je trouve. Ouais. Donc bon, après ça c'est mon opinion perso, mais je trouve que c'est un peu ça dénote un peu trop avec le reste. Et je trouve que du coup dans le dernier acte aussi, on bascule vraiment dans l'horreur. Ouais. Même si c'est pas forcément du gros gore ou des choses comme ça, mais je trouve qu'on bascule plus dans l'horreur et du coup avec tous les travers et tous les problèmes en fait tous les codes qui accompagnent ce genre et qui ont fonctionné un temps mais maintenant on s'en est lassé quoi parce que c'est les mêmes qu'on voit dans bon nombre de films depuis très longtemps. Donc moi voilà, c'est ce qui m'a un peu gêné et puis le climax final. Vraiment la toute fin, où ils essaient d'aller sur un truc j'ai pas trop envie de révéler, mais ils essaient d'aller sur ils font le choix d'aller sur quelque chose entre guillemets plus positif. Moi je pense qu'il aurait fallu continuer de malmener le spectateur en fait. Ouais. Et quitte à aller dans quelque chose de sombre, y aller jusqu'au bout quoi. D'accord. Ouais. Et en fait, voilà, je trouve que les dernières minutes, ça annihile un peu le reste. Mais bon, après, le film en lui-même est vachement intéressant, hein, et c'est vrai que c'est assez déstabilisant, c'est malaisant, et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit souci avec la fin. Mais à côté de ça, voilà, je le redis, c'est pas un mauvais film du tout. C'est la fin. Moi j'ai un problème avec, mais c'est cohérent. Il y a une cohérence dans l'histoire, ça, tout a un sens. Je veux dire, c'est pas des fautes d'écriture, y a pas de véritable problème. Après, c'est vraiment mon appréciation à moi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça plaira aux gens, et de toute façon, on voit bien que ça plaît. Et, c'est pour ça, hein, je préfère le préciser. C'est pas, objectivement, je trouve pas ça mauvais, mais c'est juste que moi, ça me déçoit un peu. En fait, je m'attendais, enfin, étant donné quand on voit là où le film, nous emmène depuis le début, je trouve que c'est arrivé à ça, tout ça pour arriver à ça, je trouve que c'est un petit peu dommage quoi, il aurait pu être un peu plus percutant et ouais, voilà. Je peux comprendre. Ouais. Donc non, c'est un très bon film et je le conseille hein, franchement, c'est vraiment ça sort des sentiers battus dans la première partie, un peu moins sur la fin, je trouve. D'accord. Ouais. Voilà. Morgane, du coup, je sais que tu es celui qui a plus apprécié. Ah oui, je pense. Pour moi, ça fait partie Moi, je suis très proche de ton avis, peut-être un peu moins sur certains points, mais voilà. Vas-y, je t'en prie. Ce qu'il faut savoir déjà sur la fin, la toute fin, il y a une fin alternative. Il y avait une autre fin qui était prévue au départ, qui était beaucoup plus. Comment dire, plus choquante. Et je vous la dirai en off après. Mais ils ont préféré une autre fin au vu des circonstances. Et je préfère. Alors autant en fait j'ai préféré justement, je disais avant que je préférais peut-être la fin alternative, mais finalement je trouve que la fin en salle elle est très bien. Je vous dirai pourquoi en off après. Mais ce serait intéressant s'ils le sortent en version longue et que du coup ils proposent la fin alternative. Ce sera proposé vu que la fin a vraiment été tournée. Il y a vraiment elle était tournée, la scène a été montée et tout. Hein. La fin est totalement différente, mais je vous l'expliquerai. Ça c'est vrai que ce serait cool. Ouais. Et vous pouvez la retrouver sur YouTube d'ailleurs. D'accord, ok. On l'aura sûrement. Oui. Dans la sortie vidéo, on risque de l'avoir. Ouais. Bah oui, clairement. Morgane. Oui. Ah, allô. Oui. T'es gâtoute. Mon micro qui s'est désactivé, mais bon, je reviens. Pour moi, ça a été un choc. et je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Je n'avais que l'affiche en tête, hein. Je n'avais pas vu la bande-annonce. J'avais vaguement compris que c'était une histoire de racisme, mais je m'étais pas vraiment étalé sur le truc. J'avais envie d'y aller en découvrant totalement. Mmh. Et j'ai vécu pendant cette séance, ça dure 1h45, mais un malaise pour moi proche de ce que, enfin un malaise, un suspense proche de ce que je ressens quand je regarde un Hitchcock par exemple. Ouais. Pour moi, il y a vraiment des influences hitchcockiennes. Ah bah Hitchcockienne, ça c'est totalement, clair, ouais. Même dans la musique avec les violons très stridents au début. Clairement, clairement. C'est incroyable comment. Après, comment c'est un premier film qui a beaucoup d'influences, mais ça c'est un parti pris qui s'accepte vite. Mais, et puis bon, puis ça va parce qu'il a quand même des influences qui sont bonnes. Il a des bonnes influences, hein. Il a pas. Donc ça va. Voilà, c'est pas, il a pas pris vendredi 13-8 ou des choses comme ça. Oui, enfin, non, voilà, bah ça... heureusement. Et c'est surtout qu'en plus que les références soient bonnes, il les utilise très très bien à travers une histoire qui est pour moi assez essentielle compte tenu du cadre politique et social, époque en Amérique d'ailleurs, hein, en France, dans tous les autres pays et tout. Et je trouve que de parler du racisme par ce biais-là, à travers une histoire qui, effectivement, à mi-parcours, prend une dimension autre, c'est vrai qu'on va vers quelque chose. Je comprends qu'il y a des personnes qui aient pu décrocher à un moment donné, qui aient pu se dire j'ai du mal à adhérer au truc, mais moi j'aime bien justement qu'au cinéma on raconte des choses vraies, des sujets importants à travers des histoires un petit peu, j'ai envie de dire, rocambolesques et que ça reste pas finalement terre à terre et plausible. Enfin, c'est de la fiction, du coup, par des effets des retournements de situation qui sont pour moi habiles et qui sont efficaces. Le film arrive à me faire accepter justement son parti pris un peu différent, son changement de ton, parce que pour moi il y a quand même deux films en un. En plus de ça, je trouve que quand même le début, ça aurait pu rester, par rapport à ce retournement de situation où on comprend un peu tout ce qui se passe derrière tout la ça. La mascarade. Je comprends qu'il y a quelques personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont dit à partir de ce moment-là j'ai décroché, et je peux comprendre. Mais moi c'est vrai que sans cette idée-là, sans ce, moi je pense que quand t'accroches au début, t'es impatient de connaître ce qui se passe vraiment parce que c'est tellement bien finalement, même si c'est d'un point de vue d'un point de vue scientifique peut-être peu discutable, mais quand tu regardes le film tu te dis il y a pas d'autre raison, c'est vrai, c'est ça. Et il y a quand même des scènes de d'angoisse, j'ai vraiment eu peur. Je crois que la scène où il est dehors et qu'il y a le jardinier qui se met à courir vers lui, trauma, c'est stressant, hein. C'était horrible. Ou même quand il descend et puis qu'on voit Georgina arriver derrière et tout, enfin il y a un truc qui m'a fait flipper aussi, mais c'est Georgina, elle est hyper flippante, hein. L'actrice est excellente parce qu'elle a une tronche en plus. Elle a un visage, pourtant elle a des traits fins et tout. Elle a pas un visage qui pourrait. C'est pas pour, pour être méchant, mais t'as des gens qui ont des gueules. Par exemple, tu prends Danny Trejo, il a une tronche qui, quand il joue les gros durs, ça ressort encore mieux. Et elle a un visage qui est très fin, qui est tout en subtilité comme ça. Et pourtant, elle est stressante à mort dans le film, je trouve. Moi, elle m'a vraiment perturbé, hein. C'est sûr, je suis ma sœur, tu verras, c'est la même chose. Est-ce qu'elle pleure en même temps qu'elle rigole? C'est arrivé une fois. Je vous jure, c'est arrivé une fois. Non, mais c'est ça, la scène justement où justement elle pleure en rigolant avec non. J'étais là, c'était tellement, je ne savais pas ce que je devais ressentir, mais le malaise constant. Et en plus, là, je trouve la bonne idée du film, c'est d'avoir pris des acteurs inconnus. Personnellement, il n'y en a pas un que je connais dans le film. Et je trouve que ça aide à avoir plus d'impact. Parce que tu te dis que personne n'est en sécurité. Voilà. Et il y a quand même des scènes assez même visuellement, même dans la violence même, c'est une violence psychologique, parfois ça tend un peu vers la violence esthétique, mais ça a été un choc, quoi. J'aime aller au cinéma pour avoir des grandes sensations comme ça, et en gros depuis Split j'avais pas vu un film qui m'avait autant marqué, quoi. Il sera dans mon top 5 de l'année, c'est évident. Ouais. C'est bon, tu as fait. Tu... Après, moi, si, je voulais, si je pouvais juste rajouter un truc, je dirais ce qui est bien quand même avec, avec ce film-là, c'est qu'il rappelle aussi que le genre horrifique, qui est quand même maintenant beaucoup considéré comme un sous-genre pour la plupart des films qui sortent de ce style-là, c'est vrai qu'il y en a toujours qui se démarquent, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une période où le genre horrifique. Non. Il est pas, ouais. C'est pas son heure de gloire, quoi. C'est clairement pas. C'est pas son âge d'or. Moi, je trouve que c'est bien, en fait, que ce film-là, ce film-là est très, très intéressant aussi dans le sens où il rappelle un peu au public que le genre horrifique peut aussi aborder de vrais sujets sociaux. Ouais, clairement. Et mais que c'est, parfois, c'est un des principes même du film d'horreur à la base. Hein. Par exemple, les films de Romero, des choses comme ça. Non, on cite toujours Romero, mais après. Oui, bien sûr, mais il y a d'autres choses. Il y a, enfin. Oui. Même que ce soit Halloween, le tout premier, des choses comme ça, où ça parlait clairement de maladie mentale, Scream, etc. Pour voilà. Moi, c'est... Ouais, Scream, c'est, enfin, c'est, ouais. C'est un, évidemment, c'est un slasher, mais c'est, un, c'est en même temps profond, un, super, un super film sur le deuil et l'adolescence, je trouve. Donc, comme It Follows, finalement. Exactement, ouais. Qui racontait bien le passage vers l'âge adulte. De toute façon, les meilleurs films d'horreur, c'est des films d'horreur qui ont quelque chose à raconter en dehors... du fait de vouloir faire peur. C'est ça. Les boucheries ou les films qui effraient, ça me, qui, enfin, les boucheries pour faire du gore et les films qui te sortent du jumpscare à tire-larigot pour vraiment te foutre les jetons, c'est pas intéressant. C'est pour ça que Conjuring et tout, moi je trouve ça bien aussi, c'est parce que c'est des drames en fait, plus que de simples films d'horreur. Donc et là, celui-ci, il reste assez sobre, et du coup, ça renforce aussi le fait que, au-delà d'être un film de genre, c'est aussi une vraie critique sur ce qui se passe. Donc, et en plus, au-delà de rappeler le fait que, bon, certaines personnes encore sur cette planète jugent les personnes d'une autre couleur que, ils les jugent inférieures, là, ça rappelle aussi le fait que, les personnes noires, malheureusement, étaient considérées comme des objets à une certaine époque. Oui, clairement. Avec l'esclavage et tout ça, donc c'est intéressant. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu hier, je m'en remets pas. Ce que j'adore en fait dans ce film, c'est un des rares films qui a vraiment réussi à me faire peur, mais pour vraiment. Mon souci en fait, personnellement, Conjuring, j'aime beaucoup l'aspect réalisation, les personnages, etc. Mais j'y crois pas en fait. J'ai pas peur des choses surnaturelles. J'ai peur. Oui. Moi, la peur vraiment en moi, mais ça c'est vraiment très personnel, c'est les gens. J'ai peur des gens. Ouais. Parce que je trouve que les gens sont capables. Ça fait appel à tes croyances aussi. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que les gens sont capables de faire des choses 10 fois pires que des esprits ou des machins. Et ça paraît plus proche de la réalité que n'importe quelque chose d'autre. Enfin, c'est. La fameuse phrase l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment, moi, c'est un des rares films qui a réussi vraiment à me faire peur. C'est un film qui est génial au niveau de ses thématiques, on en a déjà parlé. Au niveau de la réalisation, j'ai vraiment passé un. Je trouve qu'il arrive vraiment à très bien filmer. Je prends un exemple de scène quand Chris monte les escaliers et qu'il y a tout le monde qui est en train de parler en bas et quand Chris a disparu est monté et tout le monde se tait et tout le monde écoute Chris et en réalisation c'est parfait et en tant que flip c'est monumental quoi, c'est vraiment est-ce que c'est dérangeant, c'est ça. Tu t'attends pas en fait à ce qui se passe ça quoi. Clairement. Donc voilà, au niveau de la réalisation, comme tu as dit aussi, rien n'est fait au hasard dans ce film. Rien n'est laissé au hasard en fait. Tout est calculé, tout est préparé à l'avance pour qu'on puisse ressortir. Par exemple, je parlais de l'ourson qui le tourne d'une certaine manière. Au bout d'un moment, il filme ça et puis après, il y a une scène où on peut penser qu'il a rêvé. mais on voit l'ourson qui est tourné, donc on sait que ça a été, ça s'est vraiment passé et qu'il a pas rêvé. Et ouais. Ouais, y a plein de choses comme ça. C'est la technique du fusil de Chekhov. C'est en fait, c'est un peu ce qui se passe dans Signe de M. Night Shyamalan. Je rappelle beaucoup de M. Night Shyamalan, mais c'est ce qui se passe un peu. C'est la batte de baseball ou des choses comme ça. Dans Signe, rien n'est laissé au hasard en fait. C'est une technique assez dangereuse en fait quand tu fais un film parce que il faut pas se planter. Mais quand tu réussis à le faire bien, et ben ça enfin, c'est vraiment efficace, je trouve. Et là, il arrive à très bien le faire. Donc, voilà, les acteurs sont splendides. Toute la famille Armitage aussi, qui enfin, on se demande vraiment ce qui se passe dans cette famille. Et ouais, c'est comme tu disais, Morgan, ce qui est excellent, c'est qu'il a pris des acteurs quasi inconnus ou inconnus pour la plupart, quoi. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ouais. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Il y a qu'un truc qui m'a dérangé, et ça, j'en avais déjà parlé à Morgan, c'est que l'acteur principal, il a vraiment une tête de victime, je trouve. Non. Ah si, je trouve, il est, je sais pas, il a des yeux qui, je sais pas, il fait victime. Après, c'est juste une impression. Mais non, hein. Mais non. Mais oui, mais je trouve qu'il fait, ouais, il a bien la, bah oui, mais il a bien la tête de celui qui va se faire malmener. Je sais pas pourquoi. Bon, après, voilà, c'est des impressions complètement connes qui... J'avais dit à Morgan, j'ai dit, mais de toute façon, il a trop une tête de victime, lui, ça va trop me déconcentrer. Et puis quand j'ai vu le film, j'ai vu, oui, mais pour le coup, il correspond très bien au rôle. Mais... Oh là là. Alors oui, qu'il est très bon en plus, hein. L'acteur est vraiment très il bien. Est excellent. Hein. Ouais. En plus, il est anglais. Donc, il va jouer dans Black Panther. Ouais, ouais. Il est anglais et il fait un accent américain qu'on. Enfin, franchement, je l'ai vu en français. Ah, tu l'as vu en français, ok. Mais en VO, en tout cas, moi, j'ai pas remarqué qu'il était anglais, alors que, enfin voilà, parfois c'est un peu compliqué pour les acteurs anglais de faire un accent américain. Mmh. Voilà. Je voulais aussi parler de la, enfin, la soundtrack et la musique est excellente, vraiment. J'ai pas retenu du tout. Moi. Michael Abels qui fait la musique, qui est vraiment très flippante, comme t'as dit Morgan, qui fait penser à certains moments à Psychose ou des choses comme ça. Avec les violons, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait au niveau de la musique et la soundtrack. C'est il y a du Childish Gambino qui est excellent. La toute première chanson qui passe, Redbone, qui est très très bien. Bref, voilà, c'est un excellent film. On vous le conseille. Je crois qu'il passe encore en salle, peut-être. Il me semble. Oui. Bah, il fonctionne bien. Donc, à mon avis, il va. Ouais. Il va passer encore un petit peu. Ça va faire plus d'un mois qu'il est sorti en France, mais je pense qu'il passe encore. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir aller le voir, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un excellent film, un film d'horreur comme on n'en fait plus, ou quasiment pas. Ouais. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, sinon on va passer à autre chose. Moi, je n'ai rien à rajouter, tout a été dit. Moi non plus. Ok, parfait. Donc voilà, allez voir Get Out, et nous, on va passer à la Minute Nerd. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, la Minute Nerd. Donc c'est au tour de Morgan de parler d'une série télé. Justement, il va vous parler d'une série télé. Ouais. Donc on va te laisser la parole, sachant que nous, on ne sait même pas de quoi tu vas parler. Donc on va aussi découvrir en même temps que vous. Vas-y. Là, je suis quand même. Je pensais qu'Eddie aurait peut-être trouvé une série dont je pourrais parler, mais non. Une série dont tu pourrais parler. Ouais, la série dont je vais parler, ouais. Il y en a beaucoup, mais on va dire Lost, Friends. Bah Lost, non, parce qu'il enfin il arrête pas. Non, Lost serait trop évident. Voilà. Je sais pas, Sherlock, c'est pas, il y a pas d'actualité en ce moment. Non. Sense8, t'as pas regardé? Non. Non. Leftover, je crois que t'avais pas plus apprécié. Non, j'ai pas accroché finalement Leftover. Game of Thrones, ça m'étonnerait. Walking Dead, j'espère pas. Non, parce que sinon, on va arrêter de faire la Minute Nerd. Non, je déconne. Bah, je vais vous spoiler et là, vous allez dire, ah, mais oui. Moi, je vais vous parler d'une série anglaise qui s'appelle Broadchurch. Ah, mais oui. Ah, oui. Et oui. Qui est terminée. David Tennant Forever. David Tennant Forever, voilà. Ouais, bah te plains pas, toi t'as eu droit à une fin. C'est vrai. Ouais, non, parce que alors là, franchement, voilà. Sense8, mais Netflix, je l'ai maudit. Ouais. Et là, ils ont donné réponse. Ils ont confirmé qu'il n'y aurait, pas de fin. Même pas d'épisode spécial. Et franchement, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Bon. Et ben moi, voilà. Donc, je vais vous parler d'une série qui a une vraie fin, du coup. Une série qui est terminée, qui a eu. Pas que trois saisons, qui a eu trois saisons, mais c'était prévu comme tel. Donc c'est une série anglaise, vous avez entendu le titre Broadchurch, une série avec David Tennant et Olivia Colman. Alors je vais essayer de résumer l'histoire David un Tenant. Peu, en gros, ça va être David un Tennant, peu... ouais. Tennant, ouais, ça va être un peu compliqué de résumer parce que les trois saisons racontent trois choses différentes. On commence dans la saison 1 par, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Broadchurch, et qui en gros, qui est habitée par un nombre d'habitants assez limité, finalement tout le monde se connaît, et le corps d'un petit garçon va être découvert, et une enquête va se dessiner autour de ce meurtre, parce qu'on sait que c'est un meurtre. Qui a tué le petit garçon, pourquoi, etc. Donc c'est l'occasion pour tous les habitants de révéler leurs secrets les plus intimes, voilà, des secrets de famille, des secrets de voisins, tout ça. Donc voilà, on est dans une pure série policière, mais vraiment un pitch qui pourrait tenir, enfin ça pourrait être un épisode au New York, une thé spéciale, hein, si vous voulez. Hein. Chaque saison fait 8 épisodes, 8 épisodes de 40 minutes. En soi, c'est pas long, ça s'enchaîne très vite. Mais pour moi, ce qui fait la différence dans cette série-là, c'est sa patte britannique. Pour moi, il y a une sensibilité, une subtilité dans les émotions. Et je pense que la série, si elle m'a autant cueilli, pour moi, elle est parfaite. Il n'y a pas un défaut. Chaque épisode est parfait. Il y a de l'émotion, de la profondeur. C'est parce que les personnages sont bien traités. Et le fait que ça se passe dans une petite bourgade avec vraiment une petite bourgade que non, ça se passe dans une petite communauté. J'étais en train de penser si le titre avait été traduit en français l'église large. Il y a eu une adaptation française de la série qui s'appelait Malaterra, ouais. D'ailleurs, mais la fin était différente, ouais. Au niveau du coupable, c'était pas le même ou la même, enfin bref, je ne spoil rien. Et donc en fait la série est séparée est scindée en trois saisons. La première saison, donc, c'est l'enquête autour du meurtre. La deuxième saison, c'est le procès du coupable ou des coupables, je vous spoil rien non plus. Et la troisième, c'est une histoire de viol. D'accord. Et en fait, pour moi, la série, elle est d'une justesse dans tout ce qu'elle traite. Même, je vais vous dire, vous voyez la saison 1 qui est pour moi parfaite, vous vous dites comment ils peuvent faire une saison 2. Moi-même, j'étais pas chaud, et en fait, la saison 2 permet, c'est pour tous ceux qui aiment par exemple les histoires de procès, c'est 8 épisodes passionnants à base de procès, de preuves, d'avocats sur la culpabilité d'un tel. C'est encore une fois, la série a une évolution logique, les personnages ont tous une évolution, ont tous finalement une finalité à la fin. Enfin, quand on regarde le tout dernier épisode où tout se termine de manière cohérente, claire, il n'y a pas de suite possible, et le dernier plan pour moi est juste magnifique. Et la troisième saison, justement, vu que ça parle d'un viol autour de d'une cinquantenaire, et d'ailleurs rien que ça, je trouve ça génial, parce que quand on voit les séries américaines où les personnes, où les filles se font violer, ce sont parfois des jeunes bimbos de 20 ans, etc. Là, on ose montrer un personnage, une cinquantenaire qui est pas très belle, vraiment, et d'ailleurs il y a beaucoup de personnages qui lui rappellent, qui lui disent mais comment on a pu te violer, comment un mec a pu avoir envie de te violer. Et à ce moment là tout est dit, la série est dans le vrai, parce que elle met en lumière des gens qui sont un peu des victimes, qui sont un peu oubliées sous prétexte qu'ils ont un physique un peu différent, enfin voilà. Et je trouve que c'est tellement une série qui est dans le vrai, dans ce qu'elle traite, dans son programme policier, dans son côté social. Ça parle de tolérance, ça parle de la vie en communauté, du respect, comment un événement peut bousculer toute une communauté qui est soudée de base, et comment justement cette communauté qui est bousculée par ce tragique événement va se retrouver encore plus se soutenir en même temps qu'elle va se dissoudre, parce que voilà, les gens ont tous des secrets, ont tous des liens un peu. Et c'est ça qui m'a passionné pendant trois saisons. C'est-à-dire que les trois saisons ne se ressemblent pas dans ce qu'elles traitent, c'est différent. Donc vous avez peut-être préféré le côté enquête autour de la première saison, soit la partie du procès, ou justement par rapport au nom du coupable, que ce soit dans la première saison ou dans la troisième saison autour du violeur, etc. Et ben là c'est pareil, je trouve que ça pose des questions sur l'humain, sur, sur ça pose un regard lucide sur ce qu'est la société aujourd'hui, et sans trop en dévoiler. Vraiment, je vous invite vraiment à regarder cette série là en tout, il y a 3 saisons, donc 8 x 3 24, c'est ça, 24. Attends, tu viens de me prendre. Tu es une fois Morgan. 8 x 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, 8 x 3, 24. Oh là là. Donc, c'est 24 épisodes, je suis pas fort en maths. 24 épisodes de 40 minutes, honnêtement, ça se regarde très bien. Et ce qui fait la différence, au-delà même de son histoire, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, oui, c'est une enquête, oh, c'est du procès, une histoire de viol, on a vu ça 20 fois. Mais je vous assure que la patte britannique fait toute la différence. Et même le duo Miller et Hardy. Hardy, pardon. Vous m'avez dit de dire Hardy. Bah, respectivement joué par Olivia Colman et David Tennant, c'est un peu le duo attendu. Ils se détestent pas. Ils ont juste une vision des choses différentes. Ils se respectent en tant que, si vous voulez, en tant qu'humains, ils se respectent, ils s'aiment bien, mais dès l'instant où ils sont dans le même bureau, parce qu'ils sont, ils gèrent eux deux l'enquête, bah ils s'engueulent parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Et c'est pas, si vous voulez, un espèce de l'arme fatale où ils sont totalement différents, puis finalement à la fin ils vont s'adorer. Jusqu'à la fin, les personnages gardent leur caractère. C'est-à-dire que moi je m'attendais, je me dis bon allez, à la fin ils vont s'enlacer, ils vont limite se pécho, ou je sais pas, enfin voilà, ou un truc comme ça. Pas du tout. Les personnages gardent leur cohérence et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde, bah, on se dit voilà, c'est pas parce que c'est la fin qu'il faut se permettre de partir dans le mélo, dans le sentimentalisme. Les personnages restent cohérents et c'est ça qui me plaît. C'est cohérent, c'est profond, c'est brillant et il y a des épisodes, c'est vraiment des uppercuts émotionnels. Je crois que l'épisode 5 ou 6 de la saison 1, j'en suis toujours parmi. Vraiment. Qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un peu Gone Girl dans ce côté lynchage médiatique. Ça parle justement des médias. Ça parle de, parce que justement dans la saison 1, il y a un personnage que tout accuse. Après, c'est peut-être lui, je sais pas, mais tout accuse parce que c'est lui qui a vu le petit garçon en dernier et il a un passé, on va dire un peu obscur, de qu'il a eu une relation avec une mineure et tout, et ça parle vraiment du lynchage où toute la communauté va se mettre contre lui alors qu'il était respecté, et comment ce personnage arrive à, enfin les dernières secondes de l'épisode sont pour moi mais bouleversantes, et ça parle de tellement de choses, et franchement, je vous invite à regarder parce que c'est pour moi une série parfaite. Et c'est les deux premières saisons sont sur Netflix. Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, enfin, ce que tu dis de Broadchurch, ça me fait, enfin, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on pourrait dire de Sherlock, en fait. C'est clairement une sensibilité britannique aussi, pareil. Enfin, c'est un peu la même chose aussi au niveau des personnalités de Sherlock et de Watson, qui s'adoptent jamais vraiment, en fait, qui ont toujours leur spécificité, et ça, enfin voilà, c'est, je trouve que c'est assez britannique, en fait, ce type d'écriture. C'est ça. Mais ouais, non, mais Broadchurch, ça fait longtemps que je veux le voir, parce que franchement, je vous conseille. Je suis un fan de David Tennant, parce que tu vas l'adorer, parce que j'adore Doctor Who, donc et comme il était le 10e Docteur, donc voilà, mais oui, je suis aussi impatient de voir Broadchurch, mais j'ai beaucoup de séries à regarder en même temps. Donc ouais, non, là je suis en vacances, donc je vais pouvoir profiter pour rattraper tout ce que j'ai manqué. Puis même en matière de casting, dans la saison 2, il y a Charlotte Rampling qui joue le rôle de l'avocate de la famille de la victime, enfin dont le petit garçon était assassiné et tout. Et franchement, je trouve ça, mais c'est fort, quoi. Je veux dire, le ton juste qui ne faiblit jamais. À chaque fois que je regardais, même en termes d'enquête, j'ai jamais vu une série me décrire aussi bien ce que c'est qu'un procès au tribunal. Parce que regardez New York, Unité Spéciale, tout ça, étalé en 10 minutes. Alors qu'en fait, on ne sait pas qu'une enquête, c'est sur plusieurs semaines. Il faut rassembler des preuves. Moi, j'ai regardé Mune sur TF1, ça marchait aussi. Voilà, c'est Mune. Voilà. C'est un peu moins drôle, mais même, voilà, tout. La photographie est dingue. En plus, c'est une série, en fait, qui a toujours eu du succès. C'est-à-dire que même si la saison 2 a peut-être un peu moins ramené les foules, parce qu'elle a plus divisé dans ce qu'elle racontait. Après, c'est normal aussi, parce qu'une série souvent cartonne vraiment sur sa première saison. Et même les personnes qui aiment un peu moins, mais souvent t'en as qui vont jusqu'au bout. Et du coup, c'est vrai qu'à parfois, bah, ils disent ouais, la saison 2 a moins bien marché, mais c'est normal, en fait. Et à contrario, moi, ça me choque pas. Et à contrario, la 3, le premier épisode de la saison 3 a surpris tout le monde, parce que moi-même je savais même pas que ça parlait de viol, quoi, et j'ai été cueilli. Vraiment, déjà, comme je dis, je n'ai jamais vu, j'ai rarement vu dans une fiction, un personnage d'une cinquantenaire qui a un physique un peu particulier, et justement, il y a des scènes, mais quand elle annonce à sa fille qu'elle s'est fait violer et qu'elle lui dit je suis désolée, elle a honte d'annoncer cette scène, mais elle est énorme. Oui, parce que du coup, la fille, c'est le fruit du viol, quoi. Non, pas du tout. Non. Cette femme est divorcée, elle s'est fait violer dans une soirée. Et si vous voulez, sa fille va revenir de vacances. Et elle voit que sa mère a un bleu, a un truc. Elle lui dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle commence à lui parler en lui disant, écoute, faut que je te dise un truc. Et là, elle commence à se mettre à pleurer. Elle lui dit en larmes, j'ai été violée, je suis désolée. Limite, elle s'excuse. Énorme. C'est la justesse. Et c'est obligé que ça se passe comme ça dans ces cas-là. Et d'ailleurs, le dernier épisode, c'était un succès d'audience pour la série. Vraiment, la série s'est terminée par des audiences, mais vraiment, au top des audiences. Et en termes de critiques, ça a été unanimement apprécié. J'ai rarement vu une série qui a fait autant, qui a autant été aimée et autant, enfin. Mais c'est dur, hein, les bonnes séries qui s'arrêtent. En même temps, c'était le vœu du créateur. À la saison 2, il a dit je ferai une saison 3, que ça marche ou que ça marche pas, c'est la dernière. Et Comme avec Lost. Comme avec Penny Dreadful aussi. Ouais, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, ça permet, eux, ils ont le temps de gérer le truc, de peaufiner. Et quand tu vois le dernier épisode de la série, rien que le dernier plan, c'est bourré de symbolique. Tu te dis ok, ça se termine, ça se termine par une petite touche, c'est à la fois un peu décalé, un peu émouvant, et c'est tout ce qu'était la série, quoi. C'est énorme. Je suis fan de la série, pour moi elle est parfaite. Donc okay. Regardez-la. Ah, nickel. Bah oui, on va la regarder. Ok, donc voilà, c'était le conseil de Morgan, Broadchurch. Donc on va passer maintenant à la fin du podcast. On est donc à la fin de cette émission, de l'épisode numéro 32. Merci d'avoir écouté. Merci à vous deux d'avoir participé. Eddie et Morgan, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette émission. Mais ce fut un plaisir partagé. Et cette fois, on n'a fait pas trop long. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est juste bien là. Ouais, 1h38, voilà. Donc, même moins, parce qu'avec il y a eu une pause café dédiée. Oui. donc, on va rappeler rapidement. Enfin, je vais rappeler rapidement les liens où vous pouvez nous retrouver. Donc, le site c'est moviesinord.net. Là, vous pouvez retrouver nos critiques, nos émissions et nos podcasts. Moviesnerd.net, voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est Moviesnerd sur Facebook et Movies_Nerd sur Twitter. Vous pouvez retrouver le podcast, que ce soit le podcast Moviesnerd ou Parlons Cinéma, sur PodCloud ou iTunes. Et c'est là où vous pouvez nous donner des étoiles ou mettre un petit commentaire. Et ça nous permet de monter dans les classements, etc. Donc ça nous aide beaucoup. Et ensuite, je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour Moviesnerd. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, Twitter et Moviesnerd, donc TheLexal, THELEXAL. Et on va passer à Morgan, du coup. Morgan, que vous pouvez retrouver donc sur Twitter, @CinéMorgan ou MorganCinéman. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Je vais vous donner mon Facebook, d'ailleurs. C'est pas mon nom de famille. Morgan Sheridan. Il y a plus ton nom de famille. Il y a plus mon nom de famille, voilà. Morgan Sheridan. Voilà. Vous pouvez me ajouter. Ouais. Oui. C'est son nom de mariage. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. On l'a officialisé. Maintenant que c'est légal partout aux États-Unis. Voilà. Morgan fera une apparition dans le prochain X-Men. C'est ça. J'imagine le cosplay de Morgan en jean grey. Horreur. Avec les cheveux ronds. C'est quoi le quelle horreur là? Ça veut dire quoi? Ça, non, ça serait tellement pas crédible. Bah, je me suis jamais dit un jour je serai un X-Men. Non, pourquoi pas. Écoutez. Et donc, vous pouvez me retrouver aussi sur Vodcaster, même si le micro-critique, j'ai un petit peu lâché. Ça avait été un podcast sérieux jusque-là, et voilà. Ouais. Voilà. Eddie, j'ai une image en tête maintenant, c'est bon, c'est parti. Vous êtes heureux, vous foutez de ma gueule. Non, mais c'est drôle. On a perdu le, le patron. Ah, le rire. Bon, je fais quoi? Je dis, je m'en vais ou... Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, sur Facebook et sur Movies Nerd, c'est Eastark. Ah, ok. Voilà. Ah là, non, je m'en remets pas. Bref, merci encore d'avoir écouté cette émission. On se retrouve le mois prochain pour le Movies Nerd numéro 23. D'ici là, allez au cinéma et il y aura aussi Parlons Cinéma le prochain, je sais plus quel numéro, le 23, qui sera dans quelques semaines. Voilà. On va pas faire de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Voilà. Donc dans quelques semaines, comme ça vous ne saurez pas. Voilà, merci beaucoup et à plus. Ciao. Salut. Ciao.